Bonjour, je suis à vous. Oh putain, c'est encore Ludo qui m'a coupé la gueule au montage là. Ah non, pardon, c'est moi qui merde exprès. Je suis bien con. Mais oui, c'est Nécromangueur. Nous revoilà ensemble chez Ludovic pour une émission grand format. Ouais, c'est pour un grand format de reprise. Que des gens assez connus qui reprennent d'autres gens plutôt connus. On sera pas dépaysés. Une sacrée émission plein de morceaux, très longue, avec plein de fois où je raconte des conneries. Et même que tous les titres sont de mon choix, sans exception. J'ai pas de mérite, hein, je sais faire que ça. Ah si, j'ai bien un métier, mais j'y suis stagiaire depuis 25 ans. Donc je vous laisse avec 5 titres pour commencer, je vous laisse deviner c'est qui reprend qui, et puis on se retrouve après. Hein. Donc avec Eric Clapton, I Shot the Sheriff. Je crois qu'il a des dreads, le gars. Nirvana, The Man Who Sold the World. Je crois qu'il est un petit peu androgyne, quand même, un peu. Quicksilver, Messenger Service, avec Who Do You Love. Oula, bossé les années 50, hein. Et Steven Seagulls, avec Seek and Destroy. Une sorte de dieu du métal, à l'heure actuelle. Et puis, Beth Hurt, avec Black Dog. Des piliers du rock 70s. Allez, bye. I shot the sheriff, but I did not shoot the deputy. I shot the sheriff, but I didn't shoot the deputy. All around in my hometown, they're trying to track me. One day the bottom will drop out. I Thank you. Don't mind dying. Hey, mama, stay the way of love, gonna make you sweat. musique qui reste en bien finalement. C'est plein de gens qui piquent à d'autres leur succès pour en faire un aussi. Hein. Évidemment, comme ces gens ont déjà du succès, ça fait qu'une moitié de succès. Moins succès d'estime par avancement, vu qu'ils sont déjà connus. Bon d'accord, je vais faire bref en fait, car là, je vous embrouille, je vous balance. Enfin Ludovic, hein, parce que moi, je ne fous rien qu'enregistrer ma voix. Je vous rappelle que je suis une stagiaire dans la même. Donc, avec David Bowie, avec Amsterdam. Bon, putain, je crois que c'est un belge. Iggy Pop, et si tu n'existais pas. Et ben voilà, chercher Beck, Bogert and the Pace avec Superstition. Alors, je crois que là, c'est une pile de truc. The Doors avec Gloria. Oula, c'est pas tout récent. Et puis les Happy Drivers avec la Isla Bonita. Je crois qu'on en parle dans le premier Tarantino. Voilà, c'est comme ça. In the port of Amsterdam, there's a sailor who sings of the dreams that he brings from the wide open sea. And in the port of Amsterdam, there's a sailor who sleeps while the riverbank weeps too. The old willow tree, and in the port of Amsterdam, there's a sailor who dies full of beer, full of cries in a drunken down fight. And in the port of Amsterdam, there's a sailor who's born on a hot muggy morn by the dawn's early light. In the port of Amsterdam, where the sailors all meet, there's a sailor who eats only fish heads and tails, and he'll show you his teeth that have rotted too soon, that can haul up the sails, that can swallow the moon. And he yells to the cook with his arms open wide, "Hey, bring me more fish, throw it down by my side." And he wants old to belch, but he's too full to try. So he stands and he laughs and he zips up his fly. In the port of Amsterdam, where the sailors all dance, paunches bursting their pants, grinding women to porch. They swallow the tunes of their whiskey voice throat, splitting the night with the roar of their jokes. And they turn and they dance and they laugh and they lust till the rancid sound of the accordion bursts. And then out of the night with their pride and their pants and the slats that they tell underneath the street lamps. In the port of Amsterdam, there's a sailor who drinks, and he drinks, and he drinks, and he drinks once again. He drinks to the health of the whores of Amsterdam, who've given their bodies to a thousand other men. Yeah, they bargain their virtue, their goodness long gone, for a few dirty coins. When he just can't go on, throws his nose to the sky, aims it up above, and he pisses like I cry for an unfaithful love. In the port of Amsterdam, in the port of Amsterdam. J'existerai. Pour tourner dans un monde sans toi, sans espoir et sans regret. Et si tu n'existais pas, je serais tombé dans tel amour. mettre les couleurs du jour et qui n'oublions pas. Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais. Des passants endormis dans mes bras que je n'aimerai jamais. Et si tu n'existais pas, je ne serais qu'un point de plus dans ce monde qui en et qui va. Je me sentirais perdu. Si tu n'existais pas. feel so good. Make me feel alright. Come round here at just about midnight. You make me feel so good. Make me feel alright. She come round my street now. She come to my house and knock upon my door. Climbing up my stairs, one, two, three, come on, come on up, baby. Here she is in my room, oh boy. I want you step inside. I want you take a little ride. All right, okay. Hey, what's your name? How old are you? Where'd you go to school? Uh-huh, yeah. Uh-huh, yeah. Oh, oh, yeah. Oh, yeah. Oh, huh. Well, now that we know each other a little bit better, why don't you come over here? Yeah. C'est bien, hein? Bah, faut dire que déjà, les titres ont bien marché avant d'être repris. Donc, ça aide pour ceux qui les reprennent, hein. Notez qu'il y a quelques trucs improbables des fois, c'est justement l'originalité, que des artistes reprennent leurs trucs à l'opposé de leur propre musique. Du coup, comme c'est l'esprit d'émission, bah, vous savez pas, on va continuer pareil. C'est comme le 49.3, ça. Bien que ça n'ait plus rien d'original et d'obligatoire, bah, tu sais pas pourquoi, ça continue quand même. Donc, on repart avec Van Halen, Oh Pretty Woman. Tout le monde a vu le film. Rage Against the Machine, Kick Out the Jam. Genre un M, un C et un 5, voilà. Dweezil Zappa avec Staying Alive. Genre, vous connaissez pas, quoi. Faith No More avec War Pigs. Oula, du noir et du démoniaque. Et les Guns N' Roses avec Live and Let Die. Un ancien Beatles plutôt... oui, un peu connu, quoi. Et oui, dis donc, oh, on se retrouve encore après, alors. Oh là là, putain de 49.3. Street, pretty woman. kick him out! We'll be right back. inches and black masses. Evil minds that plot destruction. Sorcerer of death's construction. In the fields of bodies burning. As the war machine keeps turning. Death and hatred to mankind. Brainwashed minds. World stops turning. Yes, is where the body's burning. No more war pigs have the power. Hand of God has struck the hour. Day of judgment, God is calling. On their knees, the war pigs crawling. Gain mercy for their sins. Satan laughing spreads his wings. tongue and your heart was an open book. You used to say live and let live. But if this ever-changing world in which we live in makes you give in and cry, say live and let live. Dernière partie de l'émission spéciale reprise. Aujourd'hui, c'était la nif à Roger, mon beau-père, 86 piges qu'il a eu. Ben, Roger, il m'a payé de la blanche à la fin du repas. À base de prune qu'elle était. De 93 qu'elle était la prune. Presque 30 piges. C'était goûtu. Quel rapport avec la musique? Ben, c'est comme pour tout, hein. En prenant de l'âge, c'est meilleur dans les esgourdes comme dans le gosier. Bon, pas pour tout, ok. N'empêche qu'il y a des musiques qui traversent le temps, comme la prune. La musique peut-être, un temps prunel. Alors moi je sais pas vous, hein, mais on vous balance la dernière liste de derrière les fagots. Avec Rodolphe Burger et Billie Jean, un live de Rouen. Voilà, un gars moitié blanc, moitié noir, gris quoi. Les Infectious Grooves avec Fame. Oh tiens, voilà l'autre androgyne. Jason Isbell and the 400 Unit avec Sad But True, le retour des dieux du métal. The Red Hot Chili Peppers, If You Want Me to Stay, une famille de Pierre Funky. Et les Plus Minus avec All Dead, All Dead. On parle d'une reine morte, hein, je sais pas. Voilà, merci à tous. Et à Roger, qui chante la prune au coin des yeux. Thank you. scene from a movie scene. I say, don't mind, do you mean I'm the one who dance on the floor and around? I'm the one who dance on the floor and around. She said her name was Billie Jean. As she crossed the scene, every head turned with eyes that dreamed of being the one. Dance on the floor and around. The one to dance on the floor and around. People always told me, be careful of what you do. Stop breaking young girls' hearts. My mother always told me, be careful of who you love. Be careful of what you do. Cause life become the truth. Billie Jean is not my lover. She's just a girl who claims I'm the one. But the kid is not my son. I'm the one. But the kid is not my son. We'll be right back. to swallow. Babe, put you there where things are hollow. Hey. are now. You got to get it straight. How could I ever delay when you're my woman taking up my time? Oh, how could I ever allow? I guess I wonder how I could get out of pocket for fun. should not grieve. In time it comes to everyone. All dead, but in hope I breathe. Of course I don't believe you're dead. Mais oui, mais bien entendu qu'il y a un bonus. Et puis même que comme c'est une émission longue, vous aurez deux bonus, tiens, pour le prix d'une seule émission. C'est le Black Friday de l'esprit libre, un peu pirate, mais surtout musical. Et donc, c'est deux noirs désirs à la suite. Les armes, alors là c'est un peu le Sangoku de l'anarchie je crois, et puis le roi, une moustache célèbre. Et n'oubliez pas que la musique soit avec vous et votre esprit. Amen. Souvent pour le plaisir, et qu'il faut caresser comme pour le plaisir. L'autre, celui qui fait rêver les communiantes. Des armes bleues comme la terre, dès qu'il faut se garder au chaud fond de l'âme. Dans les yeux, dans le cœur, dans les bras d'une femme, qu'on garde au fond de soi comme on garde un mystère. Des armes au secret des jours, sous l'herbe, dans le ciel et puis dans l'écriture. Des qui vous font rêver très tard dans les lectures, et qui mettent la poésie dans les discours. Des armes, des armes, des armes, des poètes de service à la gâchette, pour mettre le feu aux dernières cigarettes au bout d'un verre français. Brillant comme une larme. Des âmes. Des Tout le monde le suit dans silence. demeurant. Alors, cette émission de reprise, c'était mon idée. Guido était pas chaud. Donc il m'a dit oui, mais j'ai du tout trouvé. Voilà. J'ai donné un indice à la con sur le groupe Facebook que c'était de la musique de musique. Ouais, c'est sûr. Mais il y a aussi des reprises de reprises. Non, je vous assure. Finalement, c'est quoi une reprise? Il n'a pas le fait de rejouer le morceau d'un autre artiste. Ben, c'est ajouté à l'original qu'il y a déjà eu. Peut-être plusieurs reprises avant, une nouvelle touche de relance pour une reprise suivante. Ça s'arrête jamais, ce genre de truc. Il y a toujours quelqu'un pour essayer de reprendre un titre qui a déjà bien marché pour le faire à sa sauce. Et donc, je sais pas. Peut-être qu'il y a une fin aux transformations un jour, ou peut-être qu'à la fin, ça peut ne ressembler à rien à l'original. Et dans ce cas-là, on peut appeler ça une reprise. C'est comme pour les chaussettes. Ça dépend peut-être si elles sont sales ou pas. Si ça double, c'est une bonne reprise ou pas? Ah bon, allez, j'arrête de vous prendre la tête. À bientôt pour une reprise par un autre animateur.